Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source divine, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Quel numéro? 160. Fais silence en mon cœur, Seigneur Jésus. Fais silence en mon cœur, ton viens. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au